Encore une fois, encore plus fort, on se dit plus jamais, mais on peut aimer, aimer encore une fois, encore plus fort, c'est plus fort que toi et moi, c'est maintenant et c'est là, encore une fois.